Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared. Quatrième épisode, du crime parfait à l'Institut médico-légal. Réalisation, Pascal Deux. Au début des années 90, l'Américain David Simon, alors journaliste au quotidien Baltimore Sun, a suivi pendant un an les inspecteurs de la brigade criminelle de la ville. Règle numéro 10 dans le manuel des homicides, le meurtre parfait, ça existe bel et bien. Ça a toujours existé. Et celui qui tente de prétendre le contraire ne fait que prouver qu'il est un naïf ou un romantique, un imbécile qui ignore les règles 1 à 9. À titre d'exemple, voici le corps d'un jeune noir du nom d'Anthony Morris, 21 ans au compteur, abattu dans la moitié ouest de Baltimore, dans le Maryland. Jeune homme dont le statut dans le commerce local des narcotiques connaît un déclin subi, Monsieur Morris est retrouvé par des flics dans une cour vide des Gilmore Homes, où un ou plusieurs individus ont pressé à plusieurs reprises la gâchette d'une arme de calibre 38, faisant que plusieurs petits morceaux d'alliage de métal ont percé des trous dans le corps de Monsieur Morris. Lorsqu'on les retirera du cadavre le lendemain matin, tous ces morceaux de métal seront brisés en éclats et mutilés, ce qui les rendra inutilisables pour les comparaisons balistiques. Et comme l'arme est un revolver, il n'y a pas de douille non plus. De toute façon, en l'absence de l'arme, d'une balle ou d'une douille d'un autre crime, tout ce qui pouvait être comparé aux preuves balistiques, ces problèmes sont purement théoriques. De plus, la scène du crime est une cour goudronnée. Nous sommes au cœur de l'hiver, il n'y a pas de cheveux, pas de fibres synthétiques, pas d'empreintes, pas le moindre élément qu'on pourrait prendre pour une preuve matérielle. Il n'y a rien non plus qui constitue une preuve dans les poches de la victime. Et M. Morris n'a pas fait non plus de déclaration fracassante aux premiers officiers sur place et aux ambulanciers, rien d'étonnant dans la mesure où il était mort lorsqu'on l'a retrouvé. Des témoins ? Cette nuit-là, en fait, il n'y a pas trace d'êtres humains dans cette portion de la cité des Gilmore Homes. Vidée de ses habitants pour un projet de rénovation en instance, la cour dans laquelle s'est aventuré Anthony Morris est sombre, froide et dépourvue du moindre signe d'activité humaine. Pas d'éclairage dans la rue, pas de lumière dans les appartements condamnés, pas de passants, pas de voisins, pas d'épicerie de quartier ni de bar. Super endroit pour tuer quelqu'un, se dit Rich Garvey, en contemplant l'étendue déserte. L'endroit parfait, en fait. Anthony Morris s'est fait abattre dans une ville de 730 000 habitants et, en pratique, la scène de crime pourrait être le désert du Nevada, la toundra arctique ou n'importe quelle terre où l'homme n'a jamais mis les pieds. L'appel d'origine, anonyme, rapportait des coups de feu, pas même le signalement d'un tireur ou d'un corps, pas même une chance de parler à des gens qui ont trouvé la victime. Pas de passants, pas de parents éplorés, pas de lascar qui se charrie au coin de la rue. Tandis que McAllister examine la scène de crime, Garvey frissonne dans les petites heures de la matinée d'hiver, attendant le moindre signe de vie de la ville environnante, n'importe quel endroit chaud et éclairé où un inspecteur pourrait poser sa première question. Rien. Le silence est complet, les lieux vides. Il n'y a que Garvey, son équipier et les visages habituels du Western District dans un tourbillon de gyrophares bleus, seul avec un cadavre dans une ville endormie. Il se dit que ça ne fait rien, que quelqu'un, quelque part, l'attend pour lui parler, pour tout lui dire sur Anthony Morris et sur ses ennemis. Peut-être la famille, une petite amie ou un pote d'enfance à l'autre bout de la cité. Peut-être un appel anonyme à la brigade criminelle ou une lettre d'un indique bouclée pour un délit insignifiant. Après tout, que lui serait-il resté sur Winchester Street si B. Miller n'avait pas intercepté la petite amie sur les lieux du crime ? Ou dans le braquage du bar sur Fairfield si le gamin sur le parking ne s'était pas souvenu du numéro de plaque de la voiture des fuyards ? Ou dans le meurtre de Langley à Pimlico ? Celui où les patrouilleurs avaient arrêté un type pour une affaire de drogue à une centaine de mètres et qui s'était révélé être un témoin oculaire. C'est vrai, se dit Garvey, j'ai que dalle sur ce coup-là. Et alors ? À part les cas les plus élémentaires, toutes les affaires semblent insolubles au moment où on arrive sur les lieux. « Tu recevras peut-être un tuyau par téléphone ?» dit un flic du Western. « Peut-être, » fait Garvey, affable. Conformément à cet espoir, McAllister et lui sont dans le salon d'un pavillon une heure plus tard. Un salon débordant de survivants. La mère, les sœurs, les frères et les cousins de la victime sont déployés aux quatre coins de la pièce. Les inspecteurs au centre exercent une certaine force centripète. Dans la chaleur sèche de la pièce surpeuplée, Garvey regarde McAllister se lancer dans son exposé habituel sur les droits et les devoirs de la famille éplorée dans cette situation en leur heure de deuil. Garvey ne cesse jamais de s'émerveiller de la maestria de Mac avec les familles. La tête légèrement inclinée, les mains jointes au niveau de la taille, c'est un vrai curé, exprimant sa tristesse la plus sincère avec des accents lents et mesurés. Au moment de stress, Mac a un léger bégaiement attachant qui lui ajoute même une touche de vulnérabilité. Sur les lieux, une heure plus tôt, McAllister était aussi prompt à dégainer les blagues que les autres. À présent, avec la mère du défunt, c'est Monsieur Compassion en personne. Phil Donahue en trench coat, rien que ça. Pour l'heure, vous n'avez absolument pas besoin de vous rendre à l'Institut médico-légal. En fait, même si vous vouliez y aller, il ne vous laisserait pas entrer. « Où ça ?» demande la mère. « À l'Institut médico-légal, » répète lentement McAllister. « Mais ne vous en faites pas pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter le funérarium de votre choix et de leur indiquer que le corps se trouve à l'Institut médico-légal, à l'angle de Penn Street et de Lombard Street. Ils sauront exactement quoi faire. Entendu ?» La mère hoche la tête. « Maintenant... on va essayer de trouver qui a fait ça. Mais on va avoir besoin de l'aide de la famille. C'est ce qu'on est venu vous demander. » Le boniment du vendeur. McAllister met le paquet dans son soliloque, comme quoi vous ne pouvez pas le ramener, mais vous pouvez le venger. Et la mère hoche la tête en signe d'approbation. Garvey regarde autour de lui pour guetter un signe dans la multitude. Le moindre malaise montré par un membre de la famille qui aurait une petite idée de ce qui s'est passé. Les plus jeunes, hommes et femmes, semblent distants, détachés, mais quelques-uns d'entre eux prennent les cartes de visite, assurant les inspecteurs qu'ils ne savent rien, mais qu'ils les appelleront s'ils ont vent de la moindre rumeur dans le quartier. « Encore une fois, » dit McAllister à la porte, « laissez-nous vous exprimer nos condoléances pour votre deuil. » Garvey parcourt du regard une pièce pleine de visages sans expression. Mère, frère, sœur, cousin, amis, tous semblent ignorer complètement les causes du meurtre. Peu de chance que le standard des homicides soit saturé sur ce coup-là, il doit se l'avouer. Et je le répète, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez la moindre question ou information, conclut McAllister. Garvey se dirige vers la porte d'entrée le premier, suivi de son équipier. Tandis que les deux inspecteurs sortent, Garvey se tourne vers Mac pour expliquer pourquoi c'est lui qui devrait devenir l'enquêteur principal sur cette cause perdue. Mais il ne dit rien. Au lieu de ça, par-dessus l'épaule de Mac, il voit un jeune homme, un cousin de la victime, qui les a furtivement suivis jusqu'à la porte. « Excusez-moi, monsieur l'agent. » McAllister se retourne à son tour, augmentant le malaise évident du cousin. Le jeune homme a quelque chose à dire. Et on ne l'en empêchera pas. « Excusez-moi, » souffle-t-il dans un chuchotement. « Oui, » fait Garvey. « Est-ce que je peux... Et voilà, » se dit Garvey. Voilà le moment où un parent en deuil se démarque du reste de la famille et transmet courageusement une étincelle de vérité. Le cousin tend la main et McAllister la serre le premier. Garvey fait de même, réchauffé par la certitude qu'il est vraiment verni, que, d'une façon ou d'une autre, il a transcendé la réalité et qu'il est devenu le Midas des homicides dans le ghetto. « Est-ce que je peux... » « Oui, » pense Garvey, « tu peux. Pour sûr, tu peux tout nous dire, absolument tout ce que tu sais sur ton cousin Anthony. Parle-nous de la drogue qu'il s'injectait, de la drogue qu'il vendait, de la dispute qu'il a opposée à un client hier soir. » Parle-nous d'une embrouille de thunes à la suite de laquelle un fournisseur lui a donné des noms d'oiseaux en jurant de prendre sa revanche. Parle-nous des nanas avec lesquelles il fricotait. Parle-nous des rivaux qui ont menacé de l'allumer une fois pour toutes. Dis-nous ce que t'as entendu dans la rue après le meurtre. Ou même le nom du mec qui se vantait de l'avoir rectifié dans un bar. Tu peux tout nous dire. Est-ce que je peux... poser une question? Une question, bien sûr, vas-y. Je parie que tu veux rester anonyme. Juste ciel, à moins que tu sois un témoin oculaire ou un truc comme ça, tu peux même rester homonyme si ça te chante. On est tes amis. On t'aime bien. On va t'emmener au QG boire du café et manger des donuts à l'œil. On est des flics. Fais-nous confiance. Accouche. Quoi ? Demande McAllister. Est-ce que vous essayez de me dire... Oui ? Est-ce que vous essayez de me dire qu'il est mort ? Mon cousin Anthony ? Garvey regarde McAllister, et McAllister regarde ses chaussures pour s'empêcher d'éclater de rire. Oui, dit McAllister, j'ai bien peur qu'il ait été mortellement blessé. C'est ce dont on parlait à l'intérieur. Merde, fait le cousin interloqué. Tu voulais nous dire autre chose ? Non, répond le cousin, pas vraiment. Eh bien, encore sincèrement désolé. Ok. On vous tient au courant. Ok. C'est fini. Mac, j'ai rêvé cette conversation, là ? Demande-t-il, hilar, sur la route du retour. Où elle a vraiment eu lieu ? Non, non. T'as dû l'imaginer. Sors-toi ça de la tête. Monsieur, vous essayez de me dire que mon cousin, il est mort ? Fait Garvey, se risquant à une piètre imitation. McAllister s'esclaffe. Affaire suivante, conclut Garvey. Dans le travail de tout homme, la perfection est un but évanescent, insaisissable, une idée en lutte constante contre la corvée quotidienne. Mais pour un flic de la criminelle, la perfection n'est même pas une possibilité. Dans les rues d'une ville, l'année parfaite est une simple volute, un fragment agonisant d'espoir, pâle, affamé et faible. À tous les coups, le meurtre parfait viendra lui flanquer une dérouillée. L'Institut médico-légal. La morgue, quoi. C'est un lieu interdit aux familles des victimes, mais c'est le passage obligé des inspecteurs de la crime. Âme sensible, s'abstenir. La vue, les sons, les odeurs... Dans l'univers d'un inspecteur, rien ne peut se comparer à cette salle en sous-sol sur Penn Street. Même les scènes de crime, aussi sinistres et brutales soient-elles, pâlissent devant le processus par lequel les victimes de meurtre sont disséquées et examinées. Il y a un but au carnage, une véritable valeur d'investigation dans l'abjection de l'autopsie. Un esprit détaché et raisonnant comprend la nécessité légale d'un examen post-mortem, mais la réalité de l'entreprise n'en est pas moins sidérante. Pour autant qu'un inspecteur se définisse comme professionnel, la morgue est un laboratoire. Mais pour tout le reste, en tant qu'il se définit, certes avec dureté, mais comme un être humain, c'est un abattoir. L'autopsie fait ressortir la finalité absolue de l'événement. Sur les scènes de crime, les victimes sont mortes, pas de doute, mais au moment de l'autopsie, elles deviennent pour l'inspecteur quelque chose de plus ou de moins. C'est une chose, après tout, pour un inspecteur de se détacher émotionnellement du cadavre qui constitue le centre du mystère qu'il occupe. Mais c'est complètement différent de voir ce cadavre vidé de sa substance. De voir la dépouille réduite à des os, des muscles et des fluides, comme une automobile est dépouillée de son chrome et de son tableau de bord avant d'être remorquée à la casse. Même un inspecteur de la criminelle, personnage dessalé s'il en est, doit assister à son lot d'autopsie avant que la mort lui devienne vraiment familière. Pour un inspecteur de la criminelle, la morgue est à la fois une nécessité légale et un atout indéniable pour ce qui est des preuves. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste forme la base de tout dossier d'accusation, pour la simple raison que dans une affaire de meurtre, il faut d'abord établir que la victime a succombé à une intervention humaine et non à une autre cause. Mais au-delà de cette exigence minimale, Les talents d'un bon disséqueur peuvent souvent faire la différence entre un accident considéré à tort comme un homicide et, tout aussi désastreux, un homicide attribué à des causes accidentelles ou naturelles. Pour le légiste, chaque corps raconte une histoire. Si on lui montre une blessure au revolver, il peut déterminer, à partir de la quantité et de la disposition de la suie, de la poudre brûlée et d'autres débris, si une balle a été tirée à bout portant, à quelques centimètres ou à une distance supérieure à 60 ou 80 centimètres. De plus, un bon légiste, en examinant les rebords écorchés d'une plaie d'entrée, peut vous dire approximativement la trajectoire de la balle au point d'entrée. Avec une blessure de fusil, ce même légiste peut lire le trajet des plombs et estimer la distance approximative entre le canon de l'arme et sa cible. À partir d'une plaie de sortie, le légiste peut dire si la victime se tenait debout dans un lieu dégagé ou si la plaie a été bloquée parce qu'elle était appuyée contre un mur, par terre ou sur une chaise. Et en présence d'une série de plaies, un bon légiste peut vous dire non seulement quel projectile s'est révélé mortel, mais dans bien des cas, quels projectiles ont été tirés les premiers, ou quelles blessures ont été infligées post-mortem et quelles blessures ont été infligées avant le décès. Donnez à ce même médecin une blessure à l'arme blanche et vous apprendrez si le couteau avait une lame ou deux, si la lame était ou non dentée, et si la blessure est assez profonde, un légiste peut vous dire la longueur et la largeur de l'arme du crime en fonction des marques faites par le manche du couteau. Puis il y a les traumatismes. Votre victime a-t-elle été heurtée par une voiture ou par un tuyau de plomb? Ce nourrisson, il est tombé dans la baignoire ou il a été tabassé par sa babysitter? Dans les deux cas, un légiste possède la clé du coffre. Mais si le légiste peut confirmer qu'un meurtre a été commis, s'il peut encore fournir quelques informations de base sur la façon dont le crime a été perpétré, il est rarement en mesure de guider un inspecteur du comment au qui. L'examen médical réalisé par le légiste n'est jamais par conséquent un processus indépendant. Il existe de conserve avec tout ce que l'inspecteur a déjà appris sur la scène de crime et pendant les interrogatoires. Un légiste qui s'imagine que le pourquoi et le comment du décès peuvent être déterminés dans tous les cas par le seul examen du corps ne fait que chercher la complication. Les meilleurs légistes commencent par lire les rapports de police et regarder les photos prises par les experts sur la scène de crime. Sans ce contexte, l'examen post-mortem est un exercice vain. C'est également en raison du contexte que la présence de l'enquêteur est généralement requise en salle d'autopsie. Idéalement, le disséqueur et le flic se communiquent leurs connaissances et ils ressortent tous deux avec une somme d'informations plus importante. Souvent aussi, la relation ne va pas sans une tension sous-jacente. Les médecins insistent sur la science, les inspecteurs sur ce qu'ils ont appris dans la rue. Exemple, le légiste ne trouve pas de sperme ni de déchirure vaginale. Il conclut qu'une victime retrouvée nue à Druid Hill Park n'a pas été violée. Mais l'inspecteur sait que beaucoup d'agresseurs sexuels ne parviennent jamais à éjaculer. De plus, la victime était une prostituée à temps partiel et la mère de trois enfants. Alors qu'est-ce que ça peut faire au fond qu'il n'y ait pas de déchirure ? À l'inverse, un inspecteur qui a affaire à un corps présentant une blessure par balle à bout portant à la poitrine, une deuxième blessure à bout portant à la tête et de multiples bleus et contusions au torse, conclura sans doute à un meurtre. Mais les deux blessures par balle n'excluent pas la possibilité d'une tentative de suicide. Les pathologistes ont répertorié des cas où un individu s'est infligé plusieurs blessures à la poitrine ou à la tête sans résultat. Peut-être parce que sa main a ripé à la dernière seconde, peut-être parce que les tirs initiaux étaient loin d'être mortels. De même, les hématomes à la poitrine, même s'ils peuvent sembler l'œuvre d'un assaillant, peuvent provenir des efforts d'un membre de la famille qui, en entendant les coups de feu, s'est précipité dans la pièce et a tenté un massage cardio-pulmonaire. Pas de lettre de suicide ? La vérité, c'est que dans 50 à 75% des cas, le suicide ne s'accompagne d'aucune lettre. « La relation entre l'inspecteur et le médecin légiste est nécessairement symbiotique, mais la tension occasionnelle entre les deux disciplines produit des stéréotypes bien particuliers. Les inspecteurs sont intimement persuadés que chaque nouveau légiste sort de l'école de médecine la tête farcie d'exemples scolaires qui n'ont qu'une ressemblance lointaine avec ce qui se produit dans le monde réel. Un nouveau médecin doit donc être assoupli comme le cuir d'un nouveau holster. De leur côté, les légistes considèrent la grande majorité des inspecteurs des homicides comme de vulgaires flics de patrouille, mal formés et peu scientifiques. Moins l'inspecteur a d'expérience, plus il risque de se faire prendre pour un amateur dans l'art de l'enquête criminelle. Une autopsie peut prendre moins d'une heure, selon la complexité du cas et l'étendue des blessures et lésions. Lorsqu'elle est terminée, un assistant réinstalle les organes internes dans la cavité abdominale, replace le cerveau et la calotte crânienne et referme les incisions. Le corps est ensuite remisé dans la chambre froide pour attendre le fourgon du funérarium. Les preuves rassemblées, échantillons de sang et de sperme, rognures d'ongles, balles, fragments de balles, sont ensachées, étiquetées et remises à l'inspecteur, qui va les porter à la police scientifique ou au laboratoire de balistique, garantissant ainsi une traçabilité impeccable. Par son efficacité même, le processus parvient en un sens à devenir de moins en moins extraordinaire. Mais ce qui a toujours une puissance émotionnelle, même pour les inspecteurs les plus expérimentés, c'est la vision panoramique de la salle d'autopsie. Une sorte de terminal de la mort dans lequel gisent des corps humains à différents stades sur la chaîne de démontage. Par un dimanche matin chargé, le couloir devant la salle peut être encombré de 8 ou 9 tables de métal, avec encore une demi-douzaine de corps dans la chambre froide. Se tenir au milieu de l'accumulation nocturne d'homicides, d'accidents de voiture, de noyades et de brûlures fatales, d'électrocutions et de suicides, d'overdoses et de crises cardiaques, c'est toujours un peu écrasant. Blancs et noirs, hommes et femmes, vieux et jeunes, tous arrivent à Penn Street avec pour seul dénominateur commun que leur mort est officiellement inexpliquée et qu'elle s'est produite dans les limites géographiques du Maryland. Plus que toute autre image, cette exposition du week-end dans la salle Carlé rappelle à l'inspecteur de la brigade criminelle qu'il travaille dans un marché de gros. Chaque visite confirme le besoin pour un inspecteur d'élever un tampon psychologique entre la vie et la mort, entre les formes horizontales sur les lits à roulettes et les formes verticales se mouvant entre elles. La stratégie est simple, et elle peut être présentée sommairement. On est vivant, et vous non. C'était Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Lu par Éric Herson-Macarel, avec la voix de Johanna Nizard. Musique originale, Emmanuel Bex et Simon Goubert. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared, traduit par Héloïse Esquier. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre et Dalia. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Pascal II. Baltimore, une année au cœur du crime, est publié aux éditions Sonatine.